إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc aujourd'hui on commence le cours 52 dans les durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi et on arrive au chapitre où le cheikh explique il dit babun fi a'mal yawm at-tarwiyah wa yawm 'arafah qu'est-ce qu'on fait le jour de tarwiyah et le jour de arafah le jour de tarwiyah c'est le 8e jour du hajj OK c'est le 8e jour du mois de Dhul-Hijjah pardon et c'est le jour où on remet l'ihram et on se dirige vers Mina à partir de Mecca et le 9e jour c'est le jour de Arafah d'accord donc le cheikh il explique il dit inna lansak allati yuhrimu biha alqadimu indama yasilu ila almiqat thalatha alifrad wa huwa an yanwi alihram bilhajj faqat ويبقى على إحرامه إلى أن يرمي الجمر يوم العيد ويحلق رأسه ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفاء والمروة إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والقران هو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج معا من الميقات وهذا عمله كعمل المفرد إلا أنه يجب عليه هدي التمتع والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات ويتحلل منها إذا وصل إلى مكة فبأداء أعمالها من طواف وسعي وحلق أو تقصير ثم يتحلل من إحرامه ويبقى حلالا إلى أن يحرم بالحج وأفضل الأنساك هو التمتع فيستحب لمن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي أن يحول نسكه إلى التمتع ويعمل عمل المتمتع الشيخ il dit que les rites qu'on a expliqué la dernière fois sont de trois comme on l'avait expliqué donc lorsqu'on arrive au miqat on a trois rites possibles. Le premier, c'est Al-Ifrad. Et Al-Ifrad, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as seulement l'intention de faire le Hajj tout seul, sans Umrah. Donc, lorsque tu fais ton Ihram, lorsque tu rentres en état d'Ihram, tu vas mettre ton Ihram et tu vas rester dans ton Ihram jusqu'à ce que tu lance les pierres de Jamara et que tu le jour de Eid et que tu lances et que tu rases ta tête et que tu fasses le tawaf al-ifada et que tu fasses le sa'i entre as-Safa wa al-Marwa si tu ne l'as pas fait en arrivant à Mecca lors de ton premier tawaf qu'on appelle tawaf al-qudum lorsque tu arrives à Mecca donc ça c'est al-ifrad al-qiran c'est que tu aies l'intention de faire l'ihram pour le umrah et pour le hajj ensemble à partir du miqat et donc celui-là qui fait ce genre de rite pour le hajj eh bien, il va faire comme le mufrid, comme pour l'ifrad, la même chose, excepté que pour lui, il doit faire un sacrifice de l'animal, comme le mutamattia. Et al-mutamattia, ce rite-là, c'est quoi? C'est que lorsque tu es au miqat, tu fais ton intention ou tu rentres en état d'ihram pour faire l'umrah en premier. Donc tu rentres et tu fais ton ihram pour faire l'umrah. Et lorsque tu arrives à Mecca et que tu fais les actions de la umrah, donc tu fais en premier tawaf et as-sa'i entre Safa et Marwa, et ensuite tu coupes tes cheveux ou bien tu rases, mais en préférablement tu vas couper, parce que plus tard à la fin du hajj tu vas raser, donc c'est mieux de couper seulement en premier pour l'umrah. Et lorsque tu as coupé tes cheveux, là tu peux enlever ton ihram et tu redeviens en état normal, tu sors de ton ihram, ok, et tu vas uniquement remettre ton ihram le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul-Hijjah. Là tu vas remettre ton ihram et tu vas refaire les mêmes choses que tu as fait lorsque tu étais au miqat et que tu as mis ton ihram pour la première fois. Donc le cheikh il explique que la meilleure parmi les trois rites, le meilleur à faire, c'est le tamattu', parce que c'est la sunna et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de faire. Et c'est recommandé pour celui qui avait fait son ihram à partir du miqat avec l'intention de faire le hajj ifrad ou le hajj qiran, de transformer son hajj en hajj tamattu' et de faire la même chose que font les gens qui font tamattu', c'est-à-dire de revenir à leur état normal, d'enlever leur ihram et de remettre leurs vêtements ordinaires et de faire comme ils font d'habitude jusqu'au début du hajj. Donc ça c'est ce qui est recommandé et ce qui est mieux à faire. Et après le cheikh il dit wa yustahab li mutamatti'in aw mufrid aw qarin tahawwala ila mutamatti' wa halla min umratihi wa li ghayrihim min al muhillin min bi Mecca aw bi qurbiha al ihram bi بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج أخرجه مسلم. Donc le cheikh il dit que c'est recommandé pour la personne qui fait التمتع ou bien celui qui a fait الحج إفراد ou قران et qui l'ont transformé en حج تمتوع de sortir de et qui sont sortis de leur ihram, qui sont revenus à leur état normal. Donc pour ces gens là c'est recommandé de mettre leur ihram le jour de At-Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul-Hijjah, du mois de Dhul-Hijjah. Ou bien pour ceux qui vivent à Mecca, ou bien qui sont proches de Mecca à l'intérieur des miqat, c'est recommandé pour eux de mettre leur ihram le jour de At-Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour, comme on a dit, de Dhul-Hijjah, et c'est basé sur le hadith de Jabir radiyallahu anhu dans la description du hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que les gens ont tous enlevé leur ihram après avoir fait leur umrah et ils ont coupé leurs cheveux, excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui il avait amené avec lui les offrandes, okay, les offrandes et les animaux de sacrifice. Donc lorsque le jour de Tarwiyah, c'est-à-dire le 8e jour de Dhul-Hijjah est arrivé, ils se sont tous dirigés vers Mina et ils ont mis leur ihram pour le hajj. Ils ont fait l'ihram pour le hajj. Et ça c'est rapporté selon l'imam muslim dans Kitab al-Hajj. Et le cheikh ensuite il dit ويحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه سواء كان في مكة أو خارجها أو في منى ولا يذهب بعد إحرامه فيطوف بالبيت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإذا كان يوم التروية أحرم فيفعل كما فعل عند الميقات إن شاء أحرم من مكة وإن شاء من خارج مكة وهذا هو الصواب وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحة والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه وكذلك المكي يحرم من أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من أهله وحتى أهل مكة يهلون من مكة انتهى كلامه انتهى كلامه وقال ابن القيم رحمه الله فلما كان يوم الخميس ضحا توجه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين إلى منى فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم من رحالهم نعم ولم يدخلوا إلى المساجد ليحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم لشيخ الزي qu'il faut faire l'ihram pour le hajj à partir de l'endroit où on est à Mecca ou dans les environs. Peu importe que c'est qu'on soit à Mecca ou en dehors de Mecca ou à Mina, on met notre ihram et on ne retourne pas à la mosquée pour faire le tawaf après avoir mis l'ihram le jour de Tarwiyah. Cheikh l'Islam, le cheikh il mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, rahimahullah. Et il dit, et lorsque arrive le jour de Tarwiyah, le huitième jour de Dhul-Hijjah, les gens font l'ihram et ils font comme ils ont fait lorsqu'ils étaient au Miqat. Hein? Et le cheikh Ibn Taymiyyah il dit, s'il veut, il fait son ihram à partir de Mecca, et s'il veut, il le fait à partir d'en dehors de Mecca. Et ça, c'est ce qui est correct. C'est-à-dire, tu le fais en dehors de Mecca, si tu es en dehors de Mecca. Comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait demandé de mettre leur ihram d'un endroit qui était Al-Batha. Okay? Et il dit que la sunnah, c'est de mettre l'ihram à partir de l'endroit où tu habites quand tu es là-bas. Et il dit, de même que la personne qui est un habitant de Mecca, il met son ihram à partir de chez lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, et celui qui habite à Mecca, il met son ihram à partir de chez lui. Et même les gens de Mecca, ils font leur ihram à Mecca. Et le cheikh il dit par la suite, ça c'est la fin de la citation des paroles d'Ibn Taymiyyah, et il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim, qui est l'élève d'Ibn Taymiyyah, et il dit, et lorsque est arrivé le cinquième jour, le jeudi, le khamis, à l'avant-midi, il se dirigeait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les musulmans qui étaient avec lui, vers la région de Mina. Et ils mettaient leur ihram pour le hajj de l'endroit où ils habitent, à partir de l'endroit où ils habitent, et ils ne retournaient pas à la mosquée pour mettre leur ihram. Ils mettaient leur ihram de là où ils étaient. Le cheikh il dit, بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. C'est-à-dire ils mettaient leur ihram alors que Mecca était derrière eux. Ensuite, le cheikh il dit, وبعد الإحرام يشتغل بالتلبية فيلبي عند عقد الإحرام ويلبي بعد ذلك في فترات. ويرفع صوته بالتلبية إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم العيد. Le cheikh il dit que une fois que la personne a mis l'ihram, il s'occupe en faisant at-talbiya, c'est-à-dire en disant ce qu'on dit dans le hajj, labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Et c'est triste des fois de voir que il y a des musulmans qui négligent dans cette talbiya et qui ne la font pas à haute voix. Yani, ça c'est contraire à la sunna. Il y en a qui yani, ils sont peut-être gênés ou ils pensent que c'est pas nécessaire, donc malheureusement ils laissent tomber cette sunna. Et il y en a qui le font à l'unisson, hein, ils le font tous en même temps, alors que la sunna c'est de faire chaque individu fait sa talbiya pour lui-même à haute voix. D'accord, donc ça c'est à ce sujet-là. Il dit qu'il faut donc s'occuper à faire ça de temps à autre, de recommencer à la faire jusqu'à ce qu'on lance les pierres à Al-Jamra le jour de Al-Eid. Donc ça continue pendant tout ce temps. Le cheikh il dit ensuite ثم يخرج من إلى منى من كان بمكة محرما يوم التروية والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر ويبيت ليلة التاسع لقول جابر رضي الله عنه وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وليس ذلك واجبا بل سنة وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجبا فلو أحرم بالحج قبله أو بعده جاز ذلك وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع وأداء الصلوات الخمس فيها سنة وليس بواجب. Le cheikh il explique ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite il quittait donc il quittait Mecca pour se diriger vers Mina avec son ihram le 8e jour de Zulhijjah. Et il dit le cheikh que le mieux pour le faire, pour quitter Mecca pour aller vers Mina, c'est de le faire avant le Zawal, c'est-à-dire avant la prière de Dhuhr. Comme ça tu arrives à Mina et tu fais la prière de Dhuhr, puis les autres prières dans leur temps, donc jusqu'à l'Fajr, jusqu'au Fajr. C'est-à-dire que tu vas dormir à Mina. Et ça c'est basé sur la parole de Jabir radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était monté sur sa monture yani jusqu'à Mina et qu'il a prié le Dhuhr, le Asr, le Maghrib, le Isha et le Fajr. Et puis ensuite il est resté quelque temps après le Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Donc ça c'est dans les exemples du hadith qui est rapporté selon Jabir à ce sujet-là. Et le cheikh il dit que tout ça c'est pas obligatoire, c'est-à-dire de faire l'ihram le 8e jour, c'est pas obligatoire. De même que yani de mettre l'ihram pour le hajj ce jour-là, c'est pas obligatoire de le faire ce jour-là. Il dit que, et même de rester à Mina et de faire les prières là-bas et de dormir là-bas, il dit tout ça c'est pas obligatoire. Il dit que c'est recommandé seulement, c'est recommandé de le faire. C'est qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et bien entendu c'est la sunna. Mais celui qui ne le fait pas dans ce sens-là, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour lui. Il dit thumma. Ah oui, puis il dit pour l'ihram, c'est permis de le porter avant le 8e jour, et c'est permis aussi de le mettre après. Hein? C'est permis de le mettre après. Il dit wa hada. Ah oui, ouais. Donc c'est ça. Après, il dit thumma yusiruna ou yasiruna sabah sabah al-yom al-tasi' ba'da tulu' al-fajr ou ba'da tulu' al-shams, pardon, ba'da tulu' al-shams. من منى إلى عرفة وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة إلا بطن عرنة ففي أي مكان وقف الحاج من ساحات عرفة أجزأه الوقوف فيه ما عدا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن عرنة وقد بينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة ومن كان خارجها ومن كان خارجها خارجها فيخشى فيخشى أنه ليس ليس في عرفة فيخشى أنه ليس في عرفة فعلى الحاج أن يتأكد من ذلك وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من حصوله في عرفة. الشيخ il dit que par la suite, donc lorsque tu as dormi à Mina, tu as pris le fajr, tu attends un petit peu que le soleil se lève un peu et tu te diriges vers Arafah. C'est-à-dire tu quittes Mina et tu te diriges vers Arafah. Et il dit que tout, peu importe où tu te tiens dans la région de Arafah, alors ça compte. Excepté un endroit qu'on appelle Batnu Arana. Mais en dehors de cet endroit-là, le reste, on peut se tenir là-bas. Et c'est considéré comme étant Arafah. Et yani, ça c'est l'exception de Batna Arana, c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam selon Jabir dans le hadith qui est rapporté selon Ibn Majah, et à la base il est, le hadith de Jabir il est dans Muslim. Et le cheikh il dit que les limites de Arafah, c'est très important de les respecter. Très important de rester dans les limites de Arafah, et que ça a été clarifié aujourd'hui par des indications et des signes. Donc on peut savoir qu'on est dans les limites de Arafah en suivant les indications. Le cheikh il dit, celui qui est à l'intérieur des limites qui ont été mentionnées ou qui ont été indiquées, dans ce cas-là, il est dans Arafah. Et celui qui est à l'extérieur de Arafah, eh bien, il risque d'être à l'extérieur et de manquer le hajj. Ou bien de faire une faute dans son hajj. Donc, c'est important de faire attention qu'on soit à l'intérieur des limites, okay? Et de vérifier les indications pour que la personne soit réellement à Arafah. Après, il dit فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ صَلَّوْا الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ قَصْرًا وَجَمْعًا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَكَذَلِكَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ الربعية في عرفة ومزدلفة ومنى ولكن في عرفة ومزدلفة يجمع ويقصر وفي منى يقصر ولا يجمع بل يصلي كل صلاة يصلي كل صلاة في وقتها لعدم الحاجة إلى الجمع. Donc le cheikh ici il explique que la personne lorsque le soleil est arrivé à son zénith, lorsqu'il s'est dirigé vers Arafah, le soleil arrive à son zénith, c'est-à-dire à la prière de Dhuhr. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On prie Al-Dhuhr et Al-Asr ensemble, raccourcis, avec un adhan et deux iqama. Ok, donc ça veut dire que le temps de Dhuhr rentre, donc on fait la prière de Dhuhr deux rak'ah et on fait le taslim, et donc on fait une autre iqama tout de suite après, puis on prie l'asr deux rak'at encore. Donc on raccourcit les prières et on les rassemble, le dhuhr et l'asr. Et le cheikh il dit qu'on fait la même chose, on raccourcit les prières qui sont de 4 rak'at, on les fait à 2 rak'at seulement lorsqu'on est à Arafah, à Muzdalifah et à Mina. On ne prie pas les prières de 4 rak'at au complet, on les fait seulement 2. Comme la prière du voyageur, sauf que à Arafah et à Muzdalifah on rassemble les prières ensemble. À Arafah on va faire Al-Dhuhr et Al-Asr ensemble, et à Muzdalifah on va faire Al-Maghrib et Al-Isha ensemble. Toutefois à Mina on raccourcit les prières, mais on les réunit pas, on les fait chacune d'elles dans son temps. Parce que, étant donné qu'on ne bouge pas, on n'a pas besoin de les rassembler ensemble, puisqu'on reste à Mina. Donc, ça c'est à ce sujet. Ensuite, le cheikh il dit: ثم بعد بعدما يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمع وجمع تقديم في أول وقت الظهر يتفرغون للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله تعالى وهو في من وهم في منازلهم في عرفة ولا يلزمهم أن يذهبوا إلى جبل الرحمة ولا يلزمهم أن يروه أو يشاهدوه ولا يستقبلونه حال الدعاء وإنما يستقبلون الكعبة المشرفة وينبغي أن يجتهد في الدعاء والتضرع والتوبة في هذا الموقف العظيم ويستمر في ذلك سواء دعا راكبا أو ماشيا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا وعلى أي حال كان يختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc le cheikh il dit, une fois que les hujjaj ont prié le zohor et al-asr raccourci et rassemblé dans le début du temps de la prière de zohor, ils se libèrent maintenant pour se consacrer uniquement au dua et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils restent là où ils se sont installés à Arafah, et ils n'ont pas à aller à la montagne qu'on appelle Jabal al-Rahma. Des fois on voit ça dans les vidéos ou bien dans les reportages sur le Hajj, ils filment toujours la montagne comme si cette montagne avait une signification spécifique dans le Hajj, alors qu'en réalité non, elle n'a rien de particulier, cette montagne qu'on appelle Jabal al-Rahma, et ce n'est pas une sunna d'aller à cet endroit-là et d'aller se tenir sur cette montagne. Arafah, c'est pas une montagne. Arafah, c'est une région. Et toute la région compte. Si tu t'es tenu sur cette région Arafah, alors ça y est, c'est correct. Mais les gens, ils tentent toujours d'essayer d'aller voir cette montagne ou d'aller faire des du'as à la montagne, ou même de se tourner vers la montagne pour faire des du'as, alors que c'est vers la Kaaba qu'on doit se tourner pour faire nos du'as et non pas vers la montagne. Et personnellement, je me souviens quand je suis parti faire le Hajj, il y a une personne qui était avec moi, et cette personne-là a dit: on va aller voir là-bas à la montagne Rahma, Jabal al-Rahma. Une fois arrivé là-bas, il y avait des gens qui fument, il y a des gens qui vendent des trucs, il y a des bouteilles d'eau par terre, il y a des saletés, des papiers, des déchets partout, les gens qui montent, qui descendent, qui se bousculent. Donc après être resté là-bas même pas quelques minutes, on a déjà réalisé que c'est pas un endroit même où on peut même se concentrer pour faire quoi que ce soit d'adoration. Donc on est retourné à notre tente, parce que maintenant tout est avec des tentes là-bas, et on s'est limité à faire nos adorations et notre dhikr là où on était, à Arafah, dans notre tente. Et le cheikh il dit que peu importe la position dans laquelle on est, il faut faire des efforts pour faire des du'as et de se repentir et de s'humilier à Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'on soit assis ou debout ou sur une monture ou en marchant ou allongé, couché, peu importe, il faut profiter pour faire des du'as. Et parmi les exemples de du'as qui ont été mentionnés, le cheikh il mentionne un du'a qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait: khayru du'a, le meilleur du'a, que c'est le du'a qu'on fait le jour de Arafah. Et la meilleure chose que j'ai dit moi-même ainsi que les prophètes avant moi, c'est la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika lah, il est l'unique et il n'a pas de partenaire, Lahu al-mulku wa lahu al-hamd, à lui appartient le royaume et la louange. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il a le pouvoir sur toute chose. Le cheikh il dit, et wa yastamirru fil baqa'i bi arafah wa ad-du'a'i ila ghurub ash-shams wa la yajuzu lahu an yansarif minha qabla ghurub ash-shams fa in insarafa minha qabla al-ghurub wajaba alayhi ar-ruju' liyabqa fiha ila al-ghurub fa in lam yarji' wajaba alayhi dam litarkihi al-wajib wad-dam ذبح شاء يوزعها على المساكين في الحرم أو صبع بقرة أو صبع بدنة. Le cheikh il explique ici, il dit que la personne doit rester à Arafah et faire des du'as jusqu'au coucher de soleil. La personne doit rester sur Arafah et faire des du'as jusqu'au coucher de soleil. Et il n'est pas permis pour quelqu'un de quitter Arafat avant le coucher de soleil. Et s'il se détourne de Arafat avant le coucher de soleil, c'est obligatoire pour lui de revenir, de retourner à Arafat pour rester jusqu'au coucher de soleil. Et s'il ne revient pas, alors il a fait une faute dans son hajj et il doit corriger cette faute en faisant un sacrifice. Parce qu'il a abandonné quelque chose d'obligatoire, et la punition ou la réparation de cette faute, c'est qu'est-ce qu'on appelle ad-dam, c'est-à-dire du sang, et c'est-à-dire en fait c'est le sacrifice d'un mouton dont il doit distribuer la viande aux habitants pauvres de Mecca. Et sinon un septième d'une vache ou d'un chameau. Le cheikh dit, wa waqt al-wuquf yabda'u bi zawal ash-shams yawm Arafah 'ala as-sahih wa yastamir ila tulu' al-fajr laylat al-ashir faman waqafa naharan wajaba 'alayhi al-baqa faman waqafa naharan wajaba 'alayhi al-baqa ila al-ghurub wa man waqafa laylan ajza'ahu walau lahdha لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. Le cheikh il dit que le temps qui est les limites du temps dans lequel il faut se tenir sur Arafah, c'est à partir de la prière de Zohor le jour de Arafah. Ça c'est l'opinion correcte, et il dit que ça demeure ou ça reste ou ça dure jusqu'au lever de l'aube la nuit du dixième jour. Donc le cheikh il dit que celui qui s'est tenu sur Arafat durant la journée, c'est obligatoire pour lui de rester jusqu'au coucher de soleil, mais celui qui est arrivé après le coucher de soleil, qui est arrivé durant la nuit, c'est suffisant pour lui qu'il reste à Arafat durant quelques instants et puis il retourne. Parce que pour le rester jusqu'au coucher de soleil, c'est obligatoire pour ceux qui sont restés sur Arafat durant la journée. Le cheikh il mentionne un hadith qui est rapporté selon Abdurrahman ibn Ya'mar al-Dayli par Abu Dawud al-Tirmidhi al-Nasa'i et Ibn Majah. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a attrapé Arafat durant la nuit, alors il a réussi à attraper le Hajj. Et il mentionne par la suite, pour terminer, Hukmu al-wuquf bi-Arafah annahu ruknun min arkan al-Hajj bal huwa a'zamu arkan al-Hajj li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al-Hajj Arafah ومكان الوقوف هو عرفة بكامل مساحتها المحددة فمن وقف خارجها لم يصح وقوفه والله وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال إنه سميع مجيب. Le cheikh il dit que de rester à Arafat, c'est un pilier du Hajj. Et il dit que c'est même le plus grand pilier parmi les piliers du Hajj. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajj Arafat, c'est-à-dire de faire le, de se tenir sur Arafat, c'est ça le Hajj. C'est-à-dire c'est ça la base du Hajj et le pilier le plus important du Hajj. Et le cheikh il dit que l'endroit où on doit se tenir, c'est partout sur la région du Hajj, partout sur la région qu'on appelle Arafat. Et celui qui s'est tenu en dehors des limites de Arafat, eh bien, il ne s'est pas tenu sur Arafat, c'est comme si son Hajj même ne compte pas. Et le cheikh il dit que il fait un doua en disant et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le succès à tous pour qu'ils atteignent ce qu'il aime et ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions. Certes, il est l'audient et celui qui exauce les doua. Ensuite, il dit. Et ensuite, je pense qu'on va s'arrêter ici. Puis on fera l'autre chapitre par la suite, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.